pense à ta vie, tout au bord d'un ruisseau. Tu vécus de ce bruit qui court dans les roseaux, qui monte des chemins, que filtrent les taillis, les ailes du moulin, les cloches du midi, soulignant d'un sourire la chanson d'un oiseau. Tu prenais du plaisir à faire des ronds dans l'eau. Aujourd'hui tu baillotes dans des eaux moins tranquilles. Tu t'acharnes et tu flottes, mais l'amour